الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Vraiment, je suis désolé que le programme soit totalement désordonné ces jours-ci et ça va un peu continuer. Malheureusement, j'ai pas mal d'occupations et des imprévus qui venaient à la dernière minute, ce qui m'empêche de pouvoir me tenir au programme initial. Mais bon, on essaie de faire comme on peut. Je suis vraiment désolé. Taïe. Alors, on est rentré dans le dernier force, qui est un force qui est très très important. Qui est très important. Et qui est... Mukharafat al-Mushrikin min maqasid shar al-Hakim. Le fait de contredire les Mushrikoun, que cela est parmi les objectifs de cette législation. On avait fait un petit rappel par rapport à ça, par rapport au verset, dans lequel Allah Azzawajal dit « ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ » Puis nous t'avons mis sur une législation de l'ordre « Suis-le et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. » Donc là, on va prendre, Inch'Allah, Afwan, c'était le tarzir des Tashabbuh bil Kuffar. En fait, le chapitre, c'est la mise en garde, l'avertissement de ne pas chercher à ressembler au kuffar. Et là, le hadith qu'on prend aujourd'hui, c'est ce que je viens de citer là, qui est que le fait de s'opposer à eux, de se contredire à eux, est parmi les objectifs de cette sharia. Donc le hadith, qui est le premier de ce fasl, qui est le 161e hadith du kitab, Yaqul an Anas ibn Malik radiallahu anhu, أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى نساؤكم حرف لكم فأتوا حرثكم إن شئتم إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا لخالفنا فيه رواه مسلم. Donc selon Anas radiallahu anhu, que les Yahoud avaient dans comme coutume que lorsqu'une femme avait ses menstrues, ils ne mangeaient pas avec elle et ne se mélangeaient pas à elle dans les maisons. Ni rapport, ni contact. Ni à table, ni rien du tout. Donc les sahaba ont interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Et de là, Allah azawajal a fait descendre le verset dans le sens où vos femmes sont un champ de labeur, alors allez à votre champ comme bon vous semble. C'était par rapport aux femmes qui avaient leur menstrue. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, il a dit à propos des femmes qui sont dans leur menstrue, faites tout hormis les rapports directs. C'est-à-dire vous pouvez tout faire avec vos femmes hormis d'avoir des rapports directs. Rapports intimes directs, c'est-à-dire l'acte tel qu'on le connaît avec la pénétration. Le rapport entre les deux, le contact direct entre les deux sexes. Lorsque les Yahoud ont su cela, ils ont dit que cet homme ne veut rien laisser de ce que nous faisons sans nous contredire. En parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne veut rien faire, tout ce qu'il fait c'est pour s'opposer à nous, rapporté par Muslim. Donc vous voyez ce hadith, son importance, et particulièrement la réflexion qu'ont eu les Yahoud à la fin. Une chose qui était flagrante pour eux, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait tout pour aller à leur rencontre. Ça veut dire que ça doit être voyant, ça doit être flagrant, ça doit être ressenti. Et là, on y voit que la place de la femme dans d'autres religions, pour comprendre les règles de l'islam par rapport à la femme, il faut comprendre dans quel mode de vie était la femme avant l'islam, dans la jahiliya. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont comparer la femme à, il y a aujourd'hui, le mode de vie des femmes il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans. On dit non. Pour comprendre ce que l'islam apportait à la femme, il faut revenir de la période avant l'islam. Savoir comment la femme était vraiment traitée, on va dire plutôt vraiment maltraitée. Et que l'islam est venu pour la relever. et lui permet d'acquérir ses droits. Et par la suite, les gens ont outrepassé ce droit et ont commencé à l'élever au-dessus de ce que l'islam lui a accordé. Et en réalité, cette surélévation n'est qu'un rabaissement parce que le but est toujours le même, l'exploiter et s'assouvir malgré elle. Car les femmes pensent qu'aujourd'hui, elles sont honorées pour elles-mêmes. Non, elles ne sont pas honorées pour elles-mêmes, c'est une nouvelle forme d'exploitation, c'est tout. Mais c'est la même chose. Elles sont tout le temps à la merci des hommes. Elles sont juste à la merci des hommes. C'est-à-dire tout ce qui se passe aujourd'hui, comme vous voyez, comme mouvement de féminisme et autres, ce sont des hommes qui sont derrière. Hein, pour leur faire croire, oui, vous êtes libre, vous êtes indépendante, comme ça on peut mieux se servir de vous. Donc en réalité, c'est juste une autre forme de piège, de faire croire à la femme qu'elle peut faire telle et telle chose et qu'elle a droit à telle et telle chose, alors que ce n'est pas le cas. En fait, ces gens se moquent d'elle. Se moquent éperdument de la femme, et la femme malheureusement se fait avoir, elle ne s'en rend pas compte. Et lorsque les femmes d'islam viennent, elles se sont rabaissées, alors qu'en réalité, c'est ça la modération, c'est ça la limite, et c'est ça le vrai honneur qu'il lui a accordé. Car c'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui sait ce qui lui est bon, ce qui lui est mauvais. Tout comme pour l'homme, pour toutes ses créatures. Et je vais donner l'exemple une fois de quelqu'un à qui on a toujours donné, par exemple, une boisson sucrée. Et le jour où on donne de l'eau, il dit ça n'a pas de goût, alors que c'est l'eau qui est bonne pour lui. Et bon, aujourd'hui, ils font ça avec les femmes. Ils leur donnent plein de choses, comme un enfant gâté, à qui on donne qui... C'est comme un enfant gâté à qui on donne ce qu'il veut. Mais est-ce que gâter un enfant, ça l'éduque? Ça lui apprend l'arrêter de la vie? Non. Car le jour où il n'a pas ce qu'il veut, il fait une crise, il fait un caprice, et devient hautain, orgueilleux, alors qu'à la place de l'enfant, ben, c'est le suivre ses parents. Donc gâter un enfant, ce n'est pas l'éduquer, ce n'est pas lui apprendre la vie. Et bien, ils font un peu pareil. Ils gâtent la femme, mais le but, c'est pourquoi? Pour mieux la séduire et pour mieux se servir d'elle. Pour qu'elle puisse servir également au côté capitalisme qui sert à pouvoir enrichir plus l'État ou ce qui s'en suit. Donc il faut plus de travailleurs, donc il faut que les femmes travaillent. On veut faire croire que c'est un droit qu'on leur accorde? Non. C'est juste qu'on t'exploite plus. On a besoin de toi, en fait. On a besoin de tes compétences pour pouvoir se remplir mieux les poches. Et pour également avoir plus accès à toi. Parce qu'avant, les femmes, elles avaient un honneur, elles avaient une dignité, elles avaient une pudeur qui fasse qu'il n'y avait pas de rapport avec n'importe qui. Il n'y avait pas de rapport avant les mariages, même chez les koufars. Mais aujourd'hui, non. Une femme veut se dire, je suis comme un homme, je vais avoir plein de rapports comme j'en ai envie. Et en réalité, ça c'est un déshonneur pour elle. On lui fait croire que c'est un honneur, que c'est une liberté. Non, c'est un déshonneur pour elle. C'est un poison au goût sucré. Et tristement, beaucoup de nos sœurs se font avoir par cela, ne comprennent pas. C'est triste. Donc là, vous voyez les Yahouds, comment ils traitaient la femme, et je pense que jusqu'à aujourd'hui, ils le font également. Une femme qui a des menstrues, ils ne mangent pas, elle ne mange pas à table avec eux. Elle ne reste pas dans la maison avec eux, il la met dans une pièce à part, comme une forme de cellule. Vous voyez? Alors que l'islam est venu pour montrer, non, nous les moussémoules, c'est pas comme ça. Que la femme qui a des menstrues, son impureté est dans le sang qui émane d'elle, mais pas dans sa personne en elle-même. Et l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Inna al-mu'min la yanjus », que le croyant n'est jamais impur. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait déjà dit à Aïcha, je crois qu'il avait touché, elle avait ses menstrues, elle a dit, mais j'ai mes menstrues, elle a dit, « Anna al-hayd » Les safiyadiki, que le sang n'est pas dans ta main à toi. C'est-à-dire qu'il peut te toucher, il peut te caresser, il peut parler avec toi, il peut faire tout ce qu'il y a à faire, comme le hadith le dit, hormis des rapports directs, conjugaux, intimes. Mais profiter de sa femme physiquement, cela est tout à fait permis en religion. Et de base, le verset c'est « Yas'alunaka 'anil mahid, qul wa adha fa'tazilun nisa fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yatahharna, fa idha tatahharna fa'atuhunna min haythu amarakumullah. » Et après la suite du verset. C'est-à-dire qu'il t'interroge à propos des menstrues. Dit que cela, ces menstrues, c'est-à-dire ce sang, est une chose qui est malsaine. Alors éloignez-vous des femmes lorsqu'elles ont leurs menstrues. Maintenant, le verset ensuite explique que veut dire de s'éloigner d'elles. Ça veut dire ne les approchez pas tant qu'elles ne sont pas purifiées. C'est-à-dire, n'ayez pas de rapport direct avec elles. C'est ça que ça veut dire. Et non pas ne pas s'approcher, ne pas la toucher, ou ne pas lui parler. Non. Ça, c'est ce que le Yahoud faisait. Le verset, il faut le comprendre. Comme l'explique le hadith, il a dit, vous pouvez tout faire avec elle, sauf avoir des rapports intimes. Le hadith vient pour expliquer le verset. As-sunnah tufassir al-Qur'an fi kathir min al-mawadi'. Et une fois qu'elles sont purifiées, alors vous pouvez avoir des rapports avec elles comme Allah vous l'a ordonné. C'est-à-dire de façon légiférée. C'est tout. Donc quand une femme elle a ses menstrues, elle est traitée comme elle est traitée d'habitude. Il n'y a aucune différence. Si ce n'est que, il ne peut pas avoir de rapport, l'homme ne peut avoir de rapport avec son épouse à ce moment-là. Sans quoi, la vie commune, la vie conjugale, reste comme elle est. Et le Nabi, justement, quand sa femme avait les menstrues, il pouvait quand même, malgré tout, assouvir son plaisir d'une façon indirecte, d'accord, c'est-à-dire sans pénétration ni rien, mais profiter de sa femme. D'accord, pour ne pas entendre dans les détails, tout le monde sait déjà voilà, comment on peut s'y prendre, de façon légiférée, avec son épouse, bien évidemment. Sans quoi, où serait la sagesse que de base, l'épouse est censée être disponible en toutes circonstances pour son mari, de base. D'accord. Donc si elle avait ses menstrues pendant une semaine, elle ne peut pas l'approcher, cela pourrait aller à l'encontre de cette sagesse, que l'homme, lorsqu'il a besoin d'assouvir, il faut qu'il puisse l'assouvir dans le halal. Donc imaginez-vous une femme qui a ses menstrues, et ses menstrues par exemple, elles viendraient à durer longtemps. Comment il ferait cet homme? Et un homme qui ne serait pas polygame. Il serait privé de cela, malheureusement. Donc en réalité, le plaisir peut être assouvi, mais sans contact direct entre les deux parties génitales. Que le sang, en fait, d'où sort ce sang, il n'y ait pas de contact, car le sang est une, ce sang-là des menstrues est une impureté. Et c'est de même pour le sang des lochis. Lorsqu'une femme elle a accouché, c'est ce qu'on appelle le sang de nifas. C'est le sang des lochis, c'est un sang qui est impur et la femme ne peut avoir de rapport à ce moment-là ni faire la salat tant qu'elle ne sait, le sang n'a pas cessé et qu'elle ne s'est pas purifié. Donc le shahid du hadith, c'est la fin, c'est la parole des Yahoud quand ils ont dit que cet homme-là n'a rien laissé de ce que nous faisons sans aller à son encontre. C'est-à-dire qu'ils ont senti que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait délibérément aller à l'encontre de ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, ce qu'il faisait était mauvais. Ça, c'est un comportement qui est inadmissible avec la femme. Tu ne manges pas avec elle, tu la cloîtres dans une pièce à part, elle ne range pas dans la maison, tu ne la touches pas ni rien parce qu'elle s'est monstrue. Ça, c'est une chose en islam, ça n'existe pas. Et vous avez à l'inverse les Nansara, eux qui font tout avec la femme même quand elle s'est monstrue. Ils ne respectent pas le côté de la purification. Une femme, elle a ses menstrues, ils vont quand même faire ce qu'ils ont à faire normalement. Ça, c'est l'autre extrême. Et l'islam, c'est le juste milieu entre les deux. Et ça, c'est une chose que les Yahoud subissent, qui est un tajdid fi din, que Allah Azzawajal aura rendu leur religion plus difficile à cause de leur obstination et de leur... comment dire, takalloufat. C'est comme dans l'histoire de Moussa avec Al-Baqara. Lorsque Allah Azzawajal, lorsque Moussa il a dit Inna Allah yamurukum tazbahu baqara, que Allah vous ordonne de déroger une vache. Normalement, ils étaient censés se contenter de cela, de prendre une vache, n'importe laquelle, de l'égorger. Mais seulement, ils ont commencé à vouloir chercher la petite bête, comme on dit, de quelle couleur elle est, de quel âge elle est, ceci, ceci, cela. Et à partir du moment où ils se sont eux-mêmes compliqué la tâche, alors après cela, Allah Azzawajal leur a compliqué la tâche dans leur religion. À cause de leur propre obstination et leur propre surcharge. Et d'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la révélation lui était donnée, comme ce fut le cas par exemple du Taraweh, pourquoi est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a délaissé le Taraweh en groupe avec les compagnons? Parce qu'il ne craignait que du fait qu'ils soient en Taraweh et que les gens viennent faire ça derrière lui, que Allah azawajal ne fasse descendre un verset pour rendre ce Taraweh obligatoire. Comme cela est arrivé au Yahoud. Donc, à ce moment-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a arrêté de faire Taraweh et il faisait chez lui tout seul. Par peur que Allah ne fasse descendre un nouveau jugement, rendant la salle de Taraweh obligatoire, elle aurait été très difficile. Cela aurait été une chose qui aurait été difficile pour les musulmans. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas cela pour eux. Alors que les Yahoud sont eux-mêmes compliqués les choses à poser trop de questions là où il n'y a pas de questions à poser. On leur a dit, fais telle chose. C'est tout, t'as juste à la faire. Et ils ont dit, oui, mais comment je la fais? Comme si, comme si, comme si, comme si, comme ça. Et ça, c'est une chose en religion. Il ne faut pas poser trop de questions. D'accord? Il ne faut pas poser trop de questions. Ce n'est pas une chose qui est louable. Et donc le shahid, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam délibérément faisait des choses qui allaient à l'encontre de ce que faisaient les gens du livre. Entre autres les Yahoud. Et eux, ils l'ont remarqué. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une chose qui soit voyante, flagrante, que le mouchirik, que le kafir sente que tu n'es pas comme lui et sente que tu t'opposes à ce qu'il fait. يقول فوائد الحديث فيه دليل على تجديد اليهود في التطهر ومن النجاسات. Ça montre là l'extrême des يهود dans le côté de la purification face aux impuretés. ثانيا جواز الاستمتاع استمتاع الرجل من زوجته إذا كانت حائضا بكل شيء إلا النكاح أي الوطء. et qu'il est permis à l'homme de jouir de sa femme lorsqu'elle a ses menstrues et de faire tout ce qu'il fait d'habitude, hormis la pénétration et le contact avec ce sang. Thalithan an al-ha'id tahir badanuha gharaquha thiyabuha wa tajuzu mubasharatuha wa mulabisatuha wa qiyamaha bi shu'un manzilaha min i'dad at-ta'am wa ash-sharab wa ghayr dhalika. Et que la femme qui a ses menstrues, elle reste pure dans son corps, dans sa sueur, dans ses vêtements, et qu'il est permis de la toucher, qu'il est permis de la caresser, de lui faire preuve de tendresse envers elle, et qu'elle puisse s'occuper de sa maison, manger, faire tout ce qu'elle a à faire comme d'habitude. La seule chose qu'il faut ne pas faire, c'est le rapport intime direct et le contact avec le sang. C'est ça qui est interdit à ce moment-là. Et elle, bien sûr, la salat, elle ne la fait pas. Et autre, ça c'est les règles qui sont propres à la femme. Là on parle des règles de vie conjugale, hein. On parle pas des règles du reste. Car les menstrues, elles ont d'autres règles par rapport à la femme en elle-même. Rabi'an, wujub mukhalafat al-kafirin fi aqaidihim wa ibadatihim wa a'yadihim wa shara'ihim wa kulli ma huwa min khasa'isihim. Et qu'il est obligatoire de contredire les kuffars dans leur croyances, dans leurs adorations, dans leurs fêtes, dans leurs législations et dans tout ce qui leur est propre, dans tout ce qui leur est spécifique. Et regardez bien, ça correspond à ce qu'on vit ces jours-ci, comme jour de fête des koufars, qu'on ne participe pas à leur fête. Il faut qu'ils le sentent qu'on n'est pas avec eux. Il faut qu'ils le sentent que cette fête n'est pas la nôtre. D'accord ? Lakum dinakum waliyadin. Il faut que ça soit ressenti. Maintenant, cela n'empêche pas que si demain un kafir respectueux vient, tu dis par exemple bonne année, tu lui réponds, par exemple, c'est un avis à moi personnel, hein. Ça c'est pas une chose que j'entends dire au lama, mais une chose que je conçois que l'on puisse faire, qui ne s'oppose pas à des hadiths, tu lui dis, je vous remercie pour l'intention, parce qu'il a voulu être poli avec toi. Tu vois, je vous remercie pour l'intention, je ne dis pas vous aussi. Et si elle demande pourquoi, tu lui expliques cette bonne année, ce n'est pas notre année à nous, et nous on n'a que deux fêtes. La fête du Eid, cette fête-là n'est pas la nôtre, on ne la reconnaît pas, on n'y participe pas, on n'y contribue pas. Mais, votre intention de bienveillance envers moi, je vous en remercie, malgré tout. D'accord ? Malgré tout. Mine de rien. Ensuite, il dit « Kafrat ma shara'ahu Allah min mukhalafat al-Yahoud, bel khalafahum fi amat umurihim. » Que Allah Zawajel a fait descendre beaucoup de choses, légiférer beaucoup de choses qui s'opposent justement à la religion des Yahoud. Et pour vous dire également que les Yahoud, ce qui est entre nous et eux, ce n'est pas la Palestine. La Palestine, c'est un fait actuel, d'actualité. Sans quoi, comme on le dit souvent, même si demain ils quittent la Palestine, nous donnent la Palestine entière, et que, voilà, ça ne changera pas notre relation avec eux. Ces gens-là sont des koufars, on ne les aime pas. D'accord ? On leur rend leurs droits qu'Allah leur a donné, sans quoi on ne les haït pas pour la Palestine en soi. On les haïssait avant, on va les haïr après. Mais comme on l'expliquait souvent, la haine du musulman, ce n'est pas la haine du kafir. Pour le kafir, haïr quelqu'un veut dire le léser, lui faire du mal. On dit nous, non, c'est pas ça, ça veut dire la haine chez nous. C'est-à-dire que dans notre cœur, on n'a pas d'amour pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on va vous faire du mal. Mais au contraire, on va bien vous traiter selon le traitement que Allah vous a accordé. Alors que vous, pour vous, les koufars, quand ils haïssent quelqu'un, tous les coups sont permis. Voilà pourquoi lorsqu'on dit qu'on les haït, ils sont choqués, ils sont offusqués. Parce qu'ils comprennent la haine selon leur compréhension à eux. On dit non. Le mot haine, ce n'est pas comme vous le concevez. Nous, la haine ne veut pas dire sans foi ni loi. Notre amour est structuré par la législation, et notre haine également. Comme à Kala Ta'ala, voilà, j'ai demandé nakum, shanakumin, ala tardilo. La fois, j'ai oublié de le verset, que votre haine envers un peuple ne nous amène pas à être injuste. Que la haine pour un peuple ne nous amène pas à être injuste, alors que eux, leur haine les amène à être injuste. Nous, on n'est pas comme ça. Alors, du moins, on est censé ne pas être comme ça. Maintenant, oui, c'est vrai que chez nous, on a des manquements. Mais de base, on dit l'islam en soi t'appelle à avoir la haine, l'animosité envers le koufar, mais ne pas le léser. Et la haine ne veut pas dire sans foi linois, sans vergogne, sans scrupule, et ce qui s'ensuit. La haine également, tout comme notre amour, et géré par notre religion. Non. Donc regardez bien, ça tombe bien avec ce qui se passe actuellement, ce beb-là, d'accord, coordonne avec les faits actuels qui font que les fêtes des koufars, fêtes de fin d'année, ce que vous voulez, on n'y contribue pas. On fait notre vie normale. Quand le 25 décembre, c'est un jour comme les autres pour nous. Celui qui travaille, s'il travaille, il va travailler. Il fait ce qu'il a à faire. Voire même, tu veux aller encore plus loin, je te conseillerais moi. Tu veux jeûner, jeûne ce jour-là. Vous faites la fête, moi je vais jeûner. D'accord ? Je vais jeûner moi ce jour-là. Par exemple, on dit que ça tombe. En plus, ces jours-ci, ces machins-là, ça tombe avec les jours blancs. Et ben voilà, vous faites la fête, moi je vais jeûner. Par exemple. Vous mangez, vous buvez, ben moi je vais jeûner. Une adoration pour montrer que je ne collabore pas avec vous là-dedans. Sans pour autant vous insulter et ce qui s'ensuit. Summaqal. الحديث الثاني وستين بعد المئة 162 حديث يقول عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى وروا دخلوا جحر ذب تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن متفق عليه encore un hadith qui est très important selon Abu Sa'id al-Khudri. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous allez certes suivre les traditions de ceux qui vous ont précédé. Pas à pas, empan par empan, coudé par coudé. Et si vous venez à rentrer dans le trou d'un lézard, vous y entrerez vous aussi derrière eux. Et ils ont dit, c'est-à-dire les Sahaba, parles-tu des Yahoud et des Nansara? Il a dit, et de qui donc? Oui, c'est de deux dont on parle. Et là, ce hadith, vous voyez qu'il s'applique totalement. Dans le Coran, Allah Azawajal, lorsqu'il nous parle des gens du livre et qu'il nous parle de leurs erreurs, c'est pour nous dire, vous les musulmans, ne faites pas comme eux. Ces gens-là sont perdus dans leur religion car ils ont fait telle et telle erreur. Ne faites pas comme eux. En prenant leur moine, leur rabbin comme seigneur. En adorant Allah son ilm, comme le font les Nasara. Ou alors, en ayant le ilm, en agissant en contradiction avec ce ilm, comme le font les Yahoud. Al-Marzoub alayhim. Ou al-Zalloun. Ne faites pas comme eux, ne soyez pas comme eux, ils sont perdus à cause de cela. Vous maintenant, vous avez le livre définitif, authentique, vous avez reçu le meilleur des prophètes, ne faites pas comme les gens qui ont délaissé leurs prophètes, là, à l'époque, ils avaient des vrais croyants, mais on parle de la suite. Ne faites pas comme eux. Justement, ils sont une référence d'échec. Ne faites pas comme eux. Et aujourd'hui, nous, on fait tout le contraire. On dirait que tout ce qu'ils font, c'est ce qu'il faut faire. Ils ont les meilleures idées, les meilleurs vêtements, les meilleures coutumes, la meilleure affection, la plus d'intelligence, plus de. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si on se sent, nous, discriminés par rapport à eux, dans plein de choses, c'est à cause de nous. Si Allah Azzawajal ne nous favorise pas par des choses de ce bas monde, par rapport à eux, c'est une épreuve pour nous. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il les aime. Donc, quand on a dit Yahoud, wal Nasara, nous abonnés à Allah, wa hibba'ou, kul falima yu'azibukum bizunubikum, balantum bashar min man khalaq, yafilu li man yasha, yu'azibu man yasha. Que les Yahoud et les Nasara disent, nous sommes les préférés d'Allah et ses enfants. Il dit, vous êtes plutôt des êtres humains parmi ceux qu'il a créés. Car si jamais vous étiez ses préférés comme ça, pourquoi est-ce qu'il vous éprouverait pour vos fautes que vous avez commises? Mais il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. D'accord? Et certes, à un moment, le Yahoud, les Bani Israël ont été un peuple favorisé. Mais c'était lesquels? À leur époque. Et c'était lesquels? Ceux qui ont suivi leur prophète. Pas ceux de maintenant. Ceux de maintenant, ils sont avilis, ils sont maudits. D'accord? Et pareil pour les Nasara. Ils se prétendent comme étant les enfants de Dieu, comme ils le disent. Ils sont les enfants de personne, à part de leur père. Même pas enfants du diable, comme certains pourraient dire. Iblis, ses enfants, c'est chez les djinns, c'est pas chez les humains. D'accord? Mais ils sont complètement égarés, perdus dans leur croyance. Allah Azawajal n'est pas ton père. Il est ton créateur. Il n'est pas ton père. Lam yalid wa lam yulad. Et ainsi de suite. Et tu n'es pas son favori. Ce que Allah Azawajal préfère, ce sont les gens qui croient en lui d'une croyance authentique. Et les gens qui sont mustaqimoun sur sa religion, qui lui obéissent. Et qui obéissent à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Voici les gens que Allah Azawajal préfère et favorise. Actuellement, sinon ce sont les prophètes, en effet. D'accord? Les prophètes, les messagers, les sahaba, et les sahaba des autres prophètes auparavant. Et ainsi de suite. Et chacun en fonction de son istiqama. Voilà si les gens que Allah Azawajal aime et préfère. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dhunubakum. Dites, si jamais vous dites aimer Allah, alors suivez-moi. C'est-à-dire moi, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et Allah va vous aimer. et pardonnera vos péchés. Donc si jamais tu prétends aimer Allah Zawajel, tu dois suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que les koufars suivent Mohammed? Ils l'insultent, ils le dénigrent. Ils n'arrivent même pas à prononcer son nom. Ils disent Mahomet au lieu de dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même son nom, ils n'arrivent pas à le dire. Tant ils le méprisent. Et ces gens-là, Allah les aime. Mais sûrement pas. Sûrement pas. Donc on doit avoir ça pour croyance que Allah n'aime pas les koufars. Inna Allah la yuhibbu al kafirin. Allah n'aime pas les koufars. Sachez-le. Mais maintenant, parmi eux, ceux qui ont du bien en eux qui va apparaître, Allah les guidera à l'islam. Il les guidera à l'islam. Et on voit que de jour en jour, des gens entrent en islam. Des gens se soumettent à l'islam. C'est une évidence. Après, on souhaite de suivre un islam authentique, bien évidemment. Car comme on le dit souvent, on veut la qualité, pas la quantité. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple très flagrant qu'on va suivre pas à pas ce que font les Yahoud et les Nassara au point que dans l'extrême, ils devraient rentrer dans le trou, dans le taillis d'un lézard, on va les suivre dedans. Regardez aujourd'hui, tout ce qu'ils font comme stupidité, on fait pareil. On les imite dans les choses qui sont même inutiles. On les imite en tout. Et tu n'imites qu'une personne qui est pour toi une référence. Donc les suivre, les imiter veut dire qu'on les... En fait, on se réfère à eux. On se réfère à eux. Alors qu'à la base, ça c'est à l'opposé de notre religion, de se référer à eux. On doit se référer au bien qu'ils ont fait, que Allah Zawajel a cité dans son livre le bien qu'ils ont fait. Et ce bien qu'ils ont fait, soit il a été abrogé par une nouvelle loi en islam, ou soit alors il continue. Sans quoi, les koufars actuels, les gens du livre actuel, d'accord, sont des koufars, on ne doit pas les suivre. Et on doit les appeler à l'islam. Et comment appeler quelqu'un vers ce qui est bon pour lui si jamais tu fais comme lui? C'est-à-dire que quand lui te voit, tu fais comme lui, bah, il va se dire, bah, c'est que je suis meilleur que toi si tu me suis. Comment tu me dis que toi, tu es musulman, ta religion est la vraie, mais tu fais tout comme moi? Comment ça se fait, ça? Je donne un exemple souvent. Toi, imagine-toi là, demain, en tant qu'individu, tu mets des baskets blanches, tu mets un camise bleue, par exemple, et une chichia verte, un exemple. Et tu marches comme tu marches. Et tu vois un homme derrière toi tous les jours, il te guette, il te regarde, il t'observe. Et chaque jour, quand tu t'habilles, il s'habille comme toi, et il marche derrière toi pas à pas. Vous savez, comme les gens ils font dans les caméras cachées, là, ils suivent les gens dans la rue, là, ils font comme eux, ils bougent comme eux, même les gens disent, mais il se moque de moi, lui. Ben voilà, tu as l'impression qu'on se moque de toi. Si demain quelqu'un s'habille comme toi, marche comme toi, reste derrière toi, fait tout ce que tu fais, tu te dis, mais il se moque de moi, lui. Et ben imaginez-vous ce que les koufars ils pensent de nous. Quand ils voient que tout ce qu'ils font, on le fait pareil qu'eux. Alors que nous, on prétend être les gens de la vérité. Regardez le. Eh ben, ils ne nous respectent pas, ils nous méprisent. Vous voyez? Et eh bien cette image que je vous donne là, des clowns dans la rue qui miment les gens, eh ben c'est à grande échelle, les koufars nous voient comme ça. Voilà pourquoi ils ont plus peur des musulmans, voilà pourquoi ils agissent comme ils agissent. Ils nous voient comme étant rabaissés devant eux. Parce que on se réfère à eux, on fait tout comme eux. Aucune esprit de créativité islamique en soi. Enfin, quand je dis aucun, c'est exagéré, il y a toujours des gens, machallah. On a pris le hadith, qu'il y a toujours un groupe de sa communauté qui est sur la vérité, mais ils sont une minorité. Vous savez, si demain, ana uqsim billah azza wa jal, que si demain le hijab, le jilbab venait à la mode et qu'on voyait des stars le porter ou quoi, vous verrez que beaucoup de sœurs le porteraient en campus. Regardez la barbe aujourd'hui. Vous pensez pourquoi beaucoup de jeunes portent la barbe aujourd'hui? C'est pour ressembler à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non, parce que la barbe c'est devenu à la mode. Ça s'est démocratisé. Donc maintenant c'est facile d'avoir une barbe. Fut un temps, moi à mon époque, quand je me suis converti, c'est pas, il n'y avait pas de barbe. Les seuls barbus, c'était les frères sur la sunna. Maintenant, aujourd'hui, je vois en France, tout le monde est barbu. On en a déjà parlé de ça. La barbe, pourquoi? C'est pour la sunna? Non! Parce que la barbe, c'est devenu bien vu aux yeux des gens, donc il n'y a plus la honte de la voir comme avant. Donc c'est plus une épreuve. C'est même devenu une mode. Même des koufars sont barbus. Certains koufars ont une barbe plus réelle que bien des musulmans. Donc c'est devenu facile d'avoir la barbe. Il n'y a plus vraiment l'épreuve de patienter sur... La chose sur l'obéissance. Et ben demain, si des djilbabs étaient portés par des stars, ça venait à la mode dans les clips, ou dans les films, ou les influenceuses, vous verrez plein de sœurs courir là, mettre le djilbab. Pour ressembler au sahabiyat, non. Parce qu'ils ont vu Fulena sur Instagram qui le porte, Fulena sur TikTok qui le porte, Fulena dans tel clip qui le porte, Fulena dans tel film qui le porte, voilà. Et après, elle va te dire, ouais, c'est l'islam. Non, innamel amel biniya, tu le portes parce qu'il est démocratisé et que maintenant, tu vois des gens... à qui tu te réfères le faire, donc ça te console, maintenant tu peux te permettre de le faire. Mais avant, tu n'aurais jamais osé le faire. Donc voilà pourquoi, Wallah, j'ai un profond respect pour nos sœurs qui s'habillent de façon légiférée pour Allah Zawajel. Un respect inimaginable. Un grand respect pour elles. Celles qui s'habillent de façon légiférée dans les pays de Kouf, j'ai un grand, grand respect pour elles. Pour moi, je le dis souvent, elles ont plus de courage que les frères. Car aujourd'hui, la barbe, le kamis, c'est plus facile. Mais une femme, en djilbeb, dans les rues de France, excusez-moi, mais c'est une chose qui demande, voilà, de la fermeté. Ça demande d'être vraiment, voilà. Et on parle de ceux qui le font sincèrement, bien sûr, parce qu'on sait qu'on a le porte le djilbeb, et quelques temps après, malheureusement, une épreuve, et elle devient comme elle était auparavant. Je parle d'une femme qui perdure là-dessus, et qui le fait, qui malgré tout, elle dit non, je sortirai que habillée comme ça, sinon je sors pas, et ainsi de suite. Ou même que lorsque leur mari veut qu'elle découvre un peu, elle dit non, je reste comme ça. Elle reste ferme, elle parle gentiment, avec respect, mais non, c'est mon vêtement. Je resterai comme ça. Et encore plus celle, bon, je suis d'avis que c'est obligatoire, qui se couvre le visage. Respect immense pour ces femmes-là. Et si jamais demain vous êtes amené à faire une khitbah avec une sœur, prenez ces femmes-là. Ces femmes-là sont prioritaires pour être mariées. Ne laissez pas ces femmes-là seules. Ces femmes-là sont en priorité d'être mariées. Car il y a déjà en elles un signe d'istikama et d'acceptation de ça, l'apparence qu'elle doit avoir. Donc j'espère que, comme on dit, fil jasad mudra, ize salahat, salahal jasad kullu, ou ize fasadat, fasadat jasad kullu, elle est où le kolb. C'est-à-dire qu'elle a déjà, le corps laisse transparaître ce qu'il y a dans le cœur. Donc elle a déjà un bon signe apparent. Elle s'habille bien, correctement. Après, on sait qu'il y a des sœurs qui s'habillent comme ça, et malgré tout, au fond, c'est a'ouzoubillah. Mais on reste sur une base de bon soupçon, au premier abord. D'accord ? C'est un bon signe déjà en apparent. Après, oui, si elle cache quelque chose en elle, ou elle a un mauvais comportement, c'est autre chose. Mais on reste sur la base que, au premier abord, ce genre de femme qui devrait attirer les hommes. Et quand je parle des hommes, je parle des muslimoun, moustaqimoun, tabran. Taïb. Donc là, on voit... Dans le Coran, elle a dit « Ya yu allazina amanu in tuti'u allazina kafaru yaruddukum ba'd ala aqabikum fatan kalibu khasirin » Ô vous qui avez cru, si jamais vous obéissez à ceux qui ont mécru, ils vous feront repartir en arrière et vous finirez perdant. Il ne faut pas obéir au kuffar. Il ne faut pas les prendre en exemple. Il ne faut pas les imiter. Il ne faut pas. C'est une chose qu'Allah Azzawajal nous a interdit de faire. Mais très peu arrivent à l'admettre et à l'appliquer. Et pourtant, c'est parmi les fondements de la religion. Mukhalafat shari'at al-kafirin. Dans leurs lois, dans leurs vêtements, dans ce qu'il leur est propre. Parce qu'il y a des choses qui sont communes maintenant. Dans ce qu'il leur est spécifique. D'accord ? Dans ce qui leur est spécifique. Et surtout ce qui est de l'ordre religieux. Encore plus. Yaqul. Et comme vous le voyez, aujourd'hui, comme le dit le hadith, aujourd'hui, regardez bien, on les suit pas à pas. Aujourd'hui, regardez, on voit plein de boulangeries de musulmans, il y a Papa Noël dessus, il y a le sapin de Noël, il y a tout, hein. Noël, à fond. Nous, les musulmans. Et je vais vous le dire, ce qui est encore peut-être plus dur à avaler, quand tu vois le commerce des Yahouds, qui sont à la base les plus grands commerçants, moi, de mon expérience, hein, j'ai jamais vu chez eux, dans leur commerce, des décorations de Noël. Chez les Juifs. Jamais j'ai vu. Si jamais je l'ai vu, j'ai pas fait attention. Quand je vois les commerces de Yahoud pendant les fêtes, je ne vois jamais de décoration de Noël chez eux. C'est incroyable. Et pourtant, chez nous, les musulmans qui sont à ou là de le faire, ah, subhanallah, on dirait le marché de Noël chez nous. C'est incroyable. Et ce hadith-là le prouve que c'est une chose qui arrive, malheureusement. يقول فوائد الحديث النهي عن التشابه بأهل الجاهلية واليهود والنصارى إلا ما دل دليل على أنه من ديننا. L'interdiction de chercher à ressembler aux gens de la Jahiliya, donc de la période pré-islamique, et des Yahoud et des Nasara, à part dans une chose qui est légiférée en religion. Parce qu'il y a des choses qu'ils font que nous aussi on fait. D'accord ? Il y a des choses qu'ils font que nous aussi on fait. C'est une réalité. Mais c'est la religion qui nous appelle à le faire. Pas parce qu'ils le font. Parce que c'est une chose que Allah Azawajal a décrété, qui leur a été fait pour eux et qui compte perdure pour nous également. Non. Thaniyan, ikhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, anna hadi l'umma saufa tatarakkab, ou tartakib, ma kana alayhi al-Yahoud wal-Nasara, ikhbar ta'zir, la ikhbar ta'krir wa ibaha. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ce que va faire cette communauté en voulant ressembler au Yahoud et Nassara. Et nous informe, pas parce qu'il l'accepte ou il approuve, mais pour nous avertir. Le fait que le Nabi Salim va dire vous allez faire ça, ça ne veut pas dire qu'on doit le faire. Il va dire vous allez le faire dans le sens, faut pas le faire, mais vous allez le faire quand même, malgré tout. Parce que les gens, ils ont permis des choses par ce genre de hadith. Que le Nabi Salim informe d'une chose, donc s'il l'informe, ça veut dire qu'on doit le faire. Non, il t'informe d'une chose qui va se dérouler, parce que là, il y a la code doc, ça va arriver, et malgré tout, il ne faut pas le faire. Des choses qu'on va rendre permises qui ne le sont pas. Des actes qui sont interdits qu'on va faire. Le fait qu'il informe que cela va arriver n'est pas une permission. Mais un avertissement pour dire que ça va arriver. Donc ceux qui sont du ilm ou quoi, attention, ça va arriver, ne suivez pas la masse. Ne vous faites pas avoir. Thalithan tarzir min mutaba'at man qablana fi ma'siyatillah. L'avertissement à ne pas suivre ceux qui étaient avant nous dans la désobéissance à Allah. Rabi'an, anou yanbaghi ma'rifat ma kana 'alayhi man kana qablana. Et qu'il faut connaître ce que faisaient les gens de la Jahiliya avant nous pour justement savoir ce qu'ils faisaient pour ne pas faire comme eux. C'est important de connaître. Parce que souvent, il y a des choses qui se font aujourd'hui, les gens ne reviennent pas à la source. Il faut revenir à la source de la chose pour savoir d'où elle vient. D'accord ? Comme plein d'expressions que les gens y prononcent. Qu'est-ce que ce mot-là il veut dire de base ? Ça vient des bouchnikoun, on délaisse. Il faut retourner à la source des choses. Noël aujourd'hui, c'est devenu une fête commerciale. Mais c'est quoi la base? C'est quoi la source? Ils fêtaient la naissance de Issa. Après, ils ont ramené le Père Noël. Et le sapin de Noël, ça, c'est un truc qui vient de chez les Mouchidekin parmi les gens du Nord. Ils ont fait un cocktail. Il faut savoir d'où ça vient. Pour pas dire, ouais, c'est juste un sapin pour décorer, ça sent bon dans la maison. Non, c'est une origine shirkiya, faut la connaître. Et quand tu vas la connaître, tu vas vraiment te rendre compte que, ah non, ça c'est abusé, je peux pas faire ça, moi. Halloween, la Saint-Valentin, il y a toujours une origine shirkiya là-dedans. Allez la chercher. Pour être encore plus sur la garantie que cela est une chose qui est liée à une croyance erronée et qui aide encore plus à ne pas le faire. Khamisan, isti'azam al-sahaba li hadha al-amr anna nattabi' sunan man kana qablana ba'dan ja'ana al-huda min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui prouve la stupéfaction des sahaba lorsqu'ils ont su que nous, ceux qui vont venir par la suite, on va suivre la guidée. Où on va suivre les Yahoud et les Nassara alors qu'on a connu la guidée. Ça, les Sahaba, ça les a surpris. Ils en ont été stupéfaits. Cela va arriver? Oui, cela va arriver. Imaginez-vous si nous voyons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils diraient de nous? Si les Sahaba voyaient les musulmans aujourd'hui, comment on est, comment on est habillé, comment on parle, comment on se comporte, nos futilités qu'on suit, notre Coupe d'Afrique, ce genre de choses, qu'est-ce qu'ils diraient des Sahaba? Qui ont fait le djihad, qui ont fait la guerre, qui ont mis de leur vie, de leur sang, de leur bien. Et nous, comment on se comporte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils diraient de nous, subhanallah? Sadisan, annahu kullama tala al-ahd min bayna al-insan wa bayna ar-risala, fa innahu yakunu ab'ad min al-haq wa fi al-hadith la yati 'alaykum zaman illa wallazi ba'dahu shar minhu. Et que plus le temps s'allonge et plus les gens s'éloignent de l'époque du message du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et plus on s'éloigne de la vérité. Et comme le prouve le hadith, que ne viendra pas une époque sans celle qui vienne après soit pire que la précédente. Regardez bien, aujourd'hui on est en 1447, c'est-à-dire en 2026, par rapport au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui lui est venu, on va dire, de égyrien, c'est 1447 ans, et grégorien, je ne sais pas combien ça fait, ça va faire... je sais pas, 1800 ans, 1700, je sais pas, l'équivalent. Vous voyez comme on est loin de lui. On est loin, tant dans le temps, que tant dans la pratique et dans la compréhension. On est loin, très loin, malgré qu'il y ait un groupe qui reste à la vérité. Je dis pas ça pour qu'on désespère ou qu'on se dise, ça y est, on est fini. Non, le khayl est toujours là, l'islam est toujours là. Mais la Oumma dans son ensemble, on est très loin, très très loin, sous tous les sens du terme, malheureusement. Nassallah yahdiyana jami'an ou yofiqana. ونثبتنا ويرينا الحق حقا والباطل باطل باطلا نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.